10194. 3 mois. Cela fait 3 mois complets que le long courrier de la guilde en partance pour Viridel 7 stationne au point mort en orbite d'Arrakis. Moi-même, l'humble chroniqueur du seigneur Muad'Dib, je commence à sérieusement trouver le temps long. J'ai cependant ouï dire qu'un visiteur important est sur le point de nous rejoindre à bord. Espérons que cela pourra débloquer la situation, bien que je ne sois pas persuadé que cela fasse plaisir à Paul. Navette en approche. Accostage dans 3, 2, 1... Contact. Active les crampons de sécurité. Crampons activés. Hé, ta visière. Ah, merci. Dis, t'as eu le temps de voir les armoiries sur le vaisseau? Oui, le faucon des Atreides. Ah, comme si ce qu'on avait déjà à bord ne suffisait pas. Oh, ça pourra pas être pire. Ouverture du sas. Ah bah tout de même, c'est pas dommage. Voilà le pire. Dame Shani, c'est un honneur inattendu. Que pouvons-nous... Dispensez-vous des formules de politesse et conduisez-moi à l'ado attardé qui se fait appeler empereur. Immédiatement. Bien, Dame Shani. C'est nouveau, cette tenue pour le personnel de bord? Pardon? Vos combinaisons pressurisées, là. Ah, ça c'est juste au cas où. Ouais, par rapport à l'autre fois. L'autre fois? Le hublot. Ah, oui, j'en ai entendu parler. J'ai surtout vu passer la facture. Allez! Mais avance, maudit canasson! Tiens, salut belle-sœur. Oh, Doudou! Oh, Shani! Ça fait une paye! Ça va? À ton avis? Tu viens essayer de lui faire changer d'avis, hein? Essayez. Je sens que la rigolade est finie. En parlant de rigolade, intéressante ta monture. Tu m'expliques? Oh, un larbin du vaisseau qui m'a manqué de respect. Vu que j'ai des petites jambes, j'ai trouvé ça plus pratique pour me déplacer. C'est plus pratique, hein, mon gros dada? Allez, je te suis. En avant! J'aurais tout vu. Quelques instants plus tard, notre petit groupe hétéroclite arrive devant l'entrée d'un vaste hangar où les attend la dame Jessica. Ah, révérende mère, vous êtes là. Oui, ma fille. J'ai appris ton arrivée. Il était temps, je crois. Il est là-dedans? Avec les autres, oui. C'est à ce point-là? Tu n'as pas idée. Chaque jour, ils vont nous inventer une idiotie pire que la veille. Ayons-en le cœur net. Vous deux, ouvrez la porte du hangar. Bien, dame Shani. Tu ferais mieux de fermer ta robe, Shani. Et resserre ton foulard. Tu pourrais... Hein? Pourquoi? Mais que... Ouh! Putain, mais ça caille là-dedans! C'est quoi cette matière blanche qui remplit le hangar à perte de vue? Ça s'appelle de la neige. C'est Paul qui l'a fait mettre ici. Silence, dada! Mais qu'est-ce qu'il a, ce cheval, aujourd'hui? Je crois qu'il a froid aux mains et aux genoux, Dame Alia. Depuis quand vous parlez de cheval, vous? Bien sûr, j'ai pu me tromper, Dame Alia. Et qu'est-ce que Usul compte faire avec ces dunes de... neige? Oh, ça! Tu vas pas tarder à comprendre. Youhou! Attendez-nous, Paul! Pas si vite! En avant, les traînards! Touchous! Je peux pas, j'ai les lèvres gercées. Dites, seigneur Muad'Dib. Oui. En bas, là-bas, ce sera pas madame votre femme? Quoi, Irulan, ici? Non, Paul. L'autre femme. Que... Oh, putain. Shani. Faites gaffe, vous me coupez la... Oh, putain. Oh. J'ai senti passer celui-là, hein. Bonjour, Usul. Oh, ma tête. Où suis-je? Je dirais... dans le pétrin. Shani, c'est bien toi. Que me vaut le plaisir, ma Siaya. Je viens mettre de l'ordre dans toute cette histoire. Tu comptais jouer la montre pendant encore longtemps? Mais, Siaya... Ça suffit! Pendant que Monsieur Usul s'amuse à la neige, moi je dois me coltiner Corba qui me demande de contresigner tout ce qu'il fait. Il ne peut même pas aller pisser sans me demander la permission. J'en peux plus, moi. Régner, c'est ton boulot, pas le mien. Alors tu vas me faire le plaisir de donner à la guilde ce qu'elle veut. Tu m'extermines Viridel 7 et tu reviens dardard à la maison. Il y a une pile de vaisselle sale qui t'attend. Alors, si je peux me permettre, ma femme m'a dit que les Ixiens ont sorti la vaisselle intelligente. Pas maintenant, Yves. Sois rentré avant la fin de la semaine, c'est compris? Oui, ma Siaya. Alia, révérende mère. Nous te suivons, Shani. En avant, ya! La fête est finie, on dirait. Ouais. Avec un peu de chance, Esteban vous écoutera peut-être, et on évitera le bain de sang. Espérons. Bon, bah, je vais aller voir le navigateur. On va discuter des termes de la fin de la grève. Pendant que vous vous changez, si on pouvait avancer un peu sur votre récit. Vous m'aviez promis, je vous rappelle. Attends. Ah, pardon. Ah, mince, je crois que j'ai attrapé froid. Pareil. Achi. Allez, bande de branquignoles, suivez-moi. Bon, vous avez de quoi noter, vous? Toujours. Bon, alors voilà. 10193. Deux ans après avoir rejoint la tribu de Stilgar, Paul et sa mère se sont complètement intégrés à la culture Fremen. Paul a mis cette période à profit pour transmettre aux Fremen les différentes techniques de combat que lui avaient enseignées sa mère et ses mentors Duncan Idaho, Gurney Alec et Tefirawat. Très vite, le nom de Paul Muad'Dib est devenu synonyme de leader des Fremen, ce qui soulève d'autres problématiques auxquelles le jeune duc n'était pas préparé. Shani, tu sais où j'ai rangé mes chaussettes? Elles sont à côté de ton frame kit, près de l'ouverture de la tente distille. Ah, merci. J'ai un peu la tête ailleurs ce matin. Il faut rester concentré, c'est un grand jour aujourd'hui. Tu vas peut-être mourir? J'ai déjà entendu ça quelque part. Sérieusement, il commence à y en avoir marre des épreuves. Il est encore temps de renoncer. Et passer pour une poule mouillée? Non merci. Oh, et puis il est temps que ça s'arrête, ces conneries. Hein. Si ça continue comme ça, il y aura plus un Fremen vivant pour lutter contre les Harkonnen. Je n'en ai tué qu'une dizaine. Tu vas pas passer ta vie à zigouiller des imbéciles qui veulent me provoquer en duel, quand même. Et, au passage, j'aurais été capable de les affronter, tu sais. Il n'en était pas digne. De toute façon, c'est décidé. Tant que je n'aurai pas chevauché le ver des sables, ce que peut faire un enfant de 12 ans, ils me considéreront jamais comme un chef à part entière. Ces provocations en duel doivent cesser. On a mieux à faire. Bien mieux. Fais voir ton distil. C'est pas bien serré, ça. Attends. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes quoi? Tes yeux. Ils ont désormais le bleu de Libat. Ça te va bien? Ouais. Parle-moi plutôt du siège du Sud. Comment ça se passe là-bas? On n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a du travail. Mais les femmes se languissent de leurs hommes. C'est gentil d'avoir pris le temps de venir m'assister. C'est mon devoir de Sayadina. Et de conjointe. Et comment va le petit Leto? Notre fils se porte à merveille. Il rend sa grand-mère complètement gaga. Toutes les femmes du siège sont en admiration devant lui. Tu sembles nerveuse. Tu ne me dis pas tout. Tu n'as pas parlé d'Alia. On verra peut-être ça après l'épreuve. Parlons-en maintenant, si tu veux bien. Elle a encore mis son dawa, c'est ça? Oh, rien de bien grave. Les femmes du siège veulent qu'on l'exorcise. Tiens donc, quelle idée! Elles ne trouvent pas normal qu'une enfant de 2 ans fasse remarquer que son neveu ressemble à son grand-père quand il était bébé. Ta mère essaye de leur expliquer le coup de la mémoire génétique, mais elles sont à deux doigts de brandir les fourches et les torches. Ah là là! J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre causer de cette histoire. Il est temps d'y aller, Usul. Le ver t'attend. Allons-y, qu'on en finisse. Aujourd'hui, Usul Paul Muad'Dib va chevaucher Shai Ulud comme un vrai meneur d'hommes. Puisse le vieux père du désert t'accepter. Bilal Kaïfa. Merci. Prends ce marteleur, Usul. Je l'ai fabriqué moi-même. Choisis un bon verre. Et après, on ira s'en prendre un. Hein? Un verre. On ira se prendre un bon verre pour fêter ça. Oh, tu sais que j'aime pas l'alcool. Sois chef pendant quelque temps et tu verras, ça changera. Et voici les hameçons à faiseur de Shishakli. Il a insisté pour que tu utilises les siens. Merci, Shishakli. De rien. Je suis un grand fan. Va maintenant, Usul. La tribu a les yeux rivés sur toi. Youpi. Pas la pression, déjà. Bon, bah... à tout à l'heure. Putain. Qu'est-ce que je fous, là? Bon. Commençons par planter le marteleur. C'était un petit ver de terre qui marchait sur le trottoir. Je le prends, je le ramasse. Berk, c'est vraiment dégueulasse. Et merde, j'ai cette foutue chanson dans la tête maintenant. Il faut que je reste concentré. Je peux me faire avaler tout rond si je fais pas gaffe. Bon Dieu de là, il est énorme. Titre. Bon, rappelons-nous les conseils de Stilgar. Quand le ver approchera, tu devras rester immobile en haut de la dune et ne faire qu'un avec le désert. Ne faire qu'un avec le désert, ne faire qu'un avec le désert. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Quand le ver arrivera à ton niveau, Tu devras enfoncer les hameçons profondément entre deux anneaux et les écarter autant que tu pourras. Alors, le ver pivotera pour éviter l'abrasion du sable sur ses chairs exposées et tu te retrouveras au-dessus de lui. Ouais, quand on les voit le faire, ça a l'air facile, mais là, maintenant, tout de suite... J'ai dit que c'était pas le moment. C'est le moment de vérité. Maintenant. Je suis accroché. Ça y est, putain la vache. Mais il met une plombe à tourner. Oh, c'est haut. J'ai le vertige. Je veux descendre. Enfin, je suis dessus. Je suis un putain de chevaucheur de ver des sables. Youhou! Vite, lançons des cordes pour que les autres puissent venir me rejoindre. Uzul a réussi. Une fois de plus, la légende. Ouais, hey, tu montes m'en rejoindre au lieu de jacasser? C'est toi qui pilotes, Uzul. Quelle direction choisis-tu? Le sud, mon lapin. Le sud. Va pour le sud, alors. Aïe! Pendant ce temps, sur la route du sud, justement, un ancien soldat atréide devenu contrebandier supervise les opérations d'extraction de l'épice à bord d'une moissonneuse clandestine. Nom de Dieu de putain de désert de merde! Ça fait 3 jours qu'on déambule sous le cagnard et pas une trace d'épice! Bon sang, mais je croyais qu'il y avait qu'à se baisser ici! Faut dire que c'est pas facile de trouver un filon tout en se cachant des patrouilles Harkonnen. Les Harkonnen, je m'en tamponne le coquillard. Non, c'est les Fremen qui me rendent nerveux. J'ai entendu parler de leur technique de combat. Elle me rappelle furieusement quelqu'un. Qui ça? Ben, moi. Moi et les copains décédés. Et c'est pas normal, justement. Ah, la vigie nous appelle. Ici Gurney Alec. Du nouveau? Filon d'épices, droit devant! Ah, ben voilà une nouvelle qui allait bonne. Déployez le matos. On va pouvoir boucler la fin du mois en mangeant autre chose que des raviolis. Oh, j'ai envoyé le message à la chenille et aux ornis de surveillance. À la bonne heure. On aspire tout ça avant qu'un ver ne pointe le bout de son museau. Quelques instants plus tard... Pas normal, ces vibrations. Alec Avigie, vous ne voyez rien d'anormal là-haut? Non! Que le sable qui poudroie et le soleil qui... Oh putain! Quoi? Les frais d'exploitation? Mais tu sais bien qu'on les paye pas! Non! Les frais... Les Fremen, peut-être? C'est ça! Les Fremen! Bordel de Strudel! Les Fremen! Tous au poste de combat! Mais ils sont déjà là! Putain, je les ai pas vus arriver! Ils sont rapides, ces cons-là! On va mourir! Tous avec moi! En avant! Inutile de lever ton arme vers moi, Gurney Alec. De quoi? Te voilà donc d'humeur à te battre. Ironique, non? Paul? C'est bien toi? Tada! Gurney. Petit garnement. Gurney. Petit garnement. Ne manquez pas le prochain épisode de Dune. Épisode 19, le kiwi qui a des croûtes.